Section 7. Chapitre 59 à 67. Chapitre 59. Philosophie, les deux zoroastres, politique. Le nom du célèbre Zoroastre rappelle le fondateur de la philosophie persane et celui de l'ordre des mages. De même que sa morale, ses dogmes étaient sublimes. Il enseignait l'existence des deux principes, l'un bon, l'autre méchant, qui se disputaient l'empire de la nature. La durée du premier embrassait tous les temps écoulés et à venir. L'existence du second devait passer avec le monde. Cet ancien sage fut suivi, vers le temps de Darius, fils d'Histaspe, d'un autre philosophe du même nom qui altéra quelque chose à la doctrine de son prédécesseur. Tel que le premier Zoroastre, il admettait les deux natures, mais il les décrivait d'un être primitif, dont les regards immenses ne tombaient jamais sur la race imperceptible des hommes. Il disait que ses pouvoirs subordonnés régneraient tour à tour sur la terre, chacun durant une période de 6000 années, que le méchant génie serait à la fin subjugué par le bon, et qu'alors les habitants d'ici-bas, dépouillés de leur enveloppe grossière, sans besoin, et dans un parfait état de bonheur, erraient parmi des bois enchantés comme des ombres légères. Les écrits du premier Zoroastre ont péri dans la révolution des empires. Quelques-uns de ceux du second ont été sauvés. Le plus considérable d'entre eux est le Zend, qui existe encore parmi les anciens persans dispersés sur les frontières des Indes. Ce livre sacré se divise en deux parties. L'une traite des cérémonies religieuses, l'autre renferme les préceptes moraux. Nous possédons en outre les fragments d'un autre ouvrage du même philosophe sous le titre des oracles de Zoroastre. La théorie des gouvernements semble aussi avoir été familière aux sages de la Perse. Quelques auteurs représentent Zoroastre l'Ancien sous les traits d'un législateur, et Hérodote introduit ailleurs les seigneurs persans après l'assassinat du mage, délibérant sur le mode de gouvernement à adopter pour l'Empire. Otanès propose la démocratie. Le tyran, dit-il, tantôt gonflé de haine, tantôt d'orgueil, commet des actions horribles. Mégabise opine à l'oligarchie et représente les fureurs du peuple. Darius parle en faveur de la royauté et l'emporte. Les mages et les autres prêtres, soumis aux Perses, excellaient dans les études de la nature. On peut juger de leur connaissance en astronomie par une série d'observations de 1903 années que Callisthène, philosophe grec attaché à la suite d'Alexandre, trouva à Babylone. N'oublions pas la science mystérieuse appelée du nom de la secte qui la pratiqua. La magie prouve deux choses, l'ignorance des peuples de l'Orient et les malheurs des hommes d'autrefois. On ne cherche à sonder l'avenir que lorsqu'on souffre au présent. Il est impossible de supposer que tant de lumière pesasse dans un des bassins de la balance sans un contrepoids égal de corruption. Aussi trouvons-nous qu'un affreux despotisme s'étendait sur l'empire de Cyrus, que les satrapes, devenus autant de petits tyrans dans leur province, écrasaient les peuples prosternés à leurs pieds, et qu'un virus de luxe et de misère dévorait et les grands et les petits. Il résulte de ce tableau moral et politique de l'Orient, considéré au moment de l'établissement des républiques en Grèce, qu'il était arrivé à ce point de maturité où les révolutions sont inévitables, ou du moins à ce degré de connaissances et de vices qui rend une nation plus susceptible d'être ébranlée par la commotion des troubles politiques des États qui l'environnent. Favorisée par ces causes internes, l'influence de la révolution républicaine de la Grèce sur la Perse fut directe, prompte et terrible, parce qu'elle se trouva déterminée vers les armes en conséquence des événements que je vais décrire. Remarquons encore que le principal effet de la Révolution française sur l'Allemagne s'est aussi dirigé par la voie militaire, mais cet empire, étant dans une autre position morale que celui de Cyrus, ne peut ni à craindre les mêmes maux. Voulez-vous prédire l'avenir? Considérez le passé. C'est une donnée sûre qui ne trompera jamais si vous partez du principe, les mœurs. Avant d'entrer dans le détail de la guerre médique et de la guerre présente, il faut dire un mot de la situation politique de la Perse et de l'Allemagne, vue quelques moments avant ces grandes calamités. Chapitre 60. Situation politique de la Perse à l'instant de la guerre médique, de l'Allemagne à l'instant de la guerre républicaine. Darius, Joseph, Léopold. Ce fut sous le règne de Darius, fils d'Histaspe, qu'éclata la fameuse guerre médique dont nous allons retracer l'histoire. Ce monarque semble avoir réuni dans sa personne les différentes qualités des empereurs d'Allemagne, Joseph et Léopold, réformateur et guerrier comme le premier, législateur comme le second, il eut à combattre à peu près la même fortune que celle des deux princes germaniques. Le roi des Perses, en parvenant à la couronne, opéra une grande révolution religieuse. Les mages, jusqu'alors maîtres de l'opinion et qui s'étaient même emparés du pouvoir suprême, reçurent de la main de Darius un coup mortel. Non content de les avoir précipités d'un trône usurpé, il les attaqua à la source de leur puissance et, substituant superstition à superstition, le culte des étoiles à l'ancienne adoration du soleil, il les supplanta adroitement dans le cœur du peuple. Ce fait qui, si l'on considère la circonstance des troubles de la Grèce, devient extrêmement remarquable et qui par lui-même est un très grand événement, a à peine été recueilli des écrivains. Cependant, les conséquences durent en être vivement senties. Si la science des hommes demeure en tout temps la même, et qu'il soit permis de raisonner de l'effet des passions d'après la connaissance de ces passions, on peut hardiment conjecturer que l'insurrection de la Babylonie, peut-être même celle de l'Ionie, par des causes maintenant impossibles à découvrir, provinrent de ces innovations. Qui sait jusqu'à quel degré elles n'influèrent point sur le sort des armes dans la guerre médique, et par conséquent sur la destinée des Perses. Ces réformes sacerdotales de Darius et de Joseph dans leurs états, presque au moment de l'abolition de la monarchie en Grèce et en France, présentent un des rapports les plus intéressants de l'histoire. Ce dernier prince n'eut pas plutôt touché au hochet sacré que les prêtres, alarmant les villes des Pays-Bas, leur persuadèrent qu'on en voulait à leur liberté, lorsqu'il ne s'agissait que de quelques couvents de moines inutiles. La révolte du Brabant a eu les suites les plus funestes. Le peuple, dompté seulement par la force des armes, froid dans la cause de ses maîtres qu'il regardait comme ses tyrans, loin d'épouser la querelle des alliés, a présenté aux Français une proie facile. Observons encore la réaction de la justice générale. Le clergé flamand soulève les Brabançons contre leur souverain légitime pour sauver quelque partie de ses immenses richesses. Les républicains arrivent et s'emparent de tout. Une guerre malheureuse venait de désoler la Perse, de ruiner l'Allemagne. Darius, dans son expédition de Scythie, avait perdu une armée florissante. Les états de Joseph s'étaient épuisés pour seconder son entreprise contre la porte. Mais ici se trouve une différence locale essentielle. Les troupes persanes, en se rendant par la Thrace, au bord de l'Ister, se rapprochèrent de la Grèce. L'armée autrichienne, en se jetant sur la Turquie, s'éloignait au contraire des frontières de France. Cette chance de position a décidé en partie du succès de la guerre présente, car où les empereurs se fussent déclarés plutôt contre la République et l'eussent trouvé moins préparé, où les Français eux-mêmes n'auraient su pénétrer dans le Brabant. Autres données, autres effets. Joseph étant mort à Vienne, son frère Léopold, grand-duc de Toscane, lui succéda. Celui-ci, accoutumé dans une position moins élevée à un horizon peu étendu, ne put saisir l'immensité de la perspective lorsqu'il eut atteint à de plus hautes régions. La nature l'avait doué de cette vue microscopique qui distingue les parties de l'infiniment petit et ne saurait embrasser les dimensions plus nobles du grand. Il porta cependant avec Darius quelques traits de ressemblance. L'amour de la justice et la connaissance des lois. Mais le prince persan considéra ses sujets du regard du monarque qui dirige ses hommes, et le prince germanique de l'œil du maître qui surveille un troupeau. L'un possédait la chaleur et la libéralité du chef qui donne, l'autre la froideur et l'économie du dépositaire qui compte. Tels étaient les monarques et l'état des deux empires lorsque la révolution républicaine de la Grèce et celle de la France firent éclater la guerre médique dans l'ancien monde, la guerre présente dans le monde moderne. Nous allons essayer d'en développer les causes. Chapitre 61. Influence de la révolution républicaine de la Grèce sur la Perse et de la révolution républicaine de la France sur l'Allemagne. Causes immédiates de la guerre médique, de la guerre républicaine, l'Ionie, le Brabant. Les différentes colonies que les Grecs avaient fondées sur les côtes de l'Asie mineure étaient tombées peu à peu sous la puissance des rois de Lydie. Celles-ci ayant été à son tour renversées par Cyrus, les villes d'Ionie passèrent alors sous le joug de la Perse. Elles ne connurent cependant que le nom de l'esclavage. Leurs maîtres leur laissèrent leur ancien gouvernement populaire et n'exigeaient d'elles qu'un léger tribut. mais les habitants de ces cités, incapables de modération, ne connaissaient pas de plus grand tourment que le repos. Amollis dans le luxe et les voluptés, ils n'avaient conservé de la pureté de leurs mœurs primitives qu'une inquiétude toujours prête à les plonger dans les malheurs des révolutions, sans qu'ils fussent jamais assez vertueux pour en recueillir les fruits. Les colonies grecques asiatiques formaient un corps de république qui se gouvernait par leurs propres lois sous la protection de la cour de Suse, de même que les États fédératifs des Pays-Bas sous la puissance des empereurs d'Allemagne. Plusieurs fois, les premières avaient cherché à se soustraire à la domination de la Perse sans avoir pu y parvenir. Dans la 19e année du règne de Darius, les peuples de l'Ionie se soulevèrent à la fois. Le motif général de l'insurrection était ces plaintes vagues de tyrannie, le grand texte des factieux, et qui ne veut dire autre chose sinon qu'on a besoin d'expressions figurées pour éviter d'employer au sens propre haine, envie, vengeance, et tous ces mots qui composent le vrai dictionnaire des révolutions. Le Brabant, autrefois parti du duché de Bourgogne, étant passé, après plusieurs successions, à la maison d'Autriche, demeura en possession de ses privilèges politiques, formant une espèce de république soumise à un grand empire. Le caractère des Flamands, considéré au civil, présentait encore des analogies frappantes avec celui des Grecs asiatiques. Indomptables dans leur humeur, les habitants des Pays-Bas tendaient sans cesse à s'insurger, sans autre raison qu'une impossibilité d'être paisible. La république du brasseur Artevel, le bannissement de plusieurs de leurs comtes, les révoltes sous Charles le Téméraire, les grands troubles sous Philippe II ne prouvent que trop cette vérité. Les innovations de Joseph étaient plus que suffisantes pour soulever un peuple impatient et superstitieux. Dans un instant, les Pays-Bas furent en armes et l'empereur germanique s'aperçut trop tard qu'il avait méconnu le génie des hommes. Chapitre 62. Déclaration de la guerre médique, l'an premier de la 69e Olympiade, 505 ans avant Jésus-Christ. Déclaration de la guerre présente, 1792, premières hostilités. Durant que ceci se passait en Ionie et dans le Brabant, de grandes scènes s'étaient ouvertes en Grèce et en France. Soulevées au nom de la liberté, ces deux contrées avaient chassé leurs princes et changé la forme de leur gouvernement. Dans le moment le plus chaud de cet enthousiasme, les Athéniens voient tout à coup arriver les ambassadeurs de l'Ionie révoltée qui les supplient de secourir leurs concitoyens dans la cause commune de l'indépendance. Les députés du Brabant, en insurrection, font à Paris la même prière à l'Assemblée nationale. L'impétuosité attique et française aurait bien désiré se précipiter dans la mesure proposée, mais l'heure n'était pas venue. On ne comptait encore que des préparations peu avancées, un reste de crainte retenait. D'ailleurs, il était impossible, sans renoncer à toute pudeur, de rompre la paix avec la Perse, avec l'Allemagne dont on n'avait aucun sujet de plainte. On renvoya donc les députés avec des paroles obligeantes, se contentant de fomenter sous main des troubles auxquels on ne pouvait encore prendre de part ouverte. Le prétexte ne tarda pas à se présenter. Hippias, dernier roi d'Athènes, s'était retiré à la cour d'Artapherne, frère de Darius et satrape de Lydie. Les princes, frères de Louis XVI, avaient cherché un refuge à la cour de Coblenz. Aussitôt les Athéniens disent que Darius favorise le tyran, que celui-ci intrigue pour susciter des ennemis à sa patrie. On députe vers Artapherne, on lui signifie qu'il ait à cesser de protéger la cause d'Hippias. Les Français exigent de Léopold qu'il défende les rassemblements d'émigrés dans ses états et abandonne les princes fugitifs. Artapherne répond ouvertement que si les Athéniens désirent se concilier la faveur du grand roi, il faut qu'ils rétablissent le fils de Pisistrate sur le trône. L'empereur germanique semble obéir aux ordres de l'Assemblée nationale en même temps qu'il tient secrètement une conduite opposée. D'un autre côté, Darius se plaignait de ce que les Grecs entretenaient la révolte des villes d'Ionie et s'arrogeaient le droit de se mêler du gouvernement intérieur de ces provinces, à peu près de même que les princes allemands réclamaient contre les décrets de l'Assemblée nationale qui s'étendaient sur leur territoire. Il était impossible qu'au milieu de ces reproches mutuels, les esprits conservassent longtemps la modération dont ils affectaient encore de se parer. Les partis, protestant toujours le désir de paix, se préparaient secrètement à la guerre. On s'aigrissait de plus en plus. Hippias, à la cour de Suse, représentait les Grecs comme des factieux, ennemis de l'ordre et des rois. Les émigrés invoquaient l'Europe contre des régicides qui avaient juré haine éternelle à tous les trônes. Les Grecs et les Français disaient qu'on devait se lever contre des tyrans qui menaçaient la liberté des peuples. Les uns crient au républicanisme, les autres à l'esclavage. On s'insulte, on vole aux armes. Les Athéniens et les patriotes de France, gagnant de vitesse le flegme oriental et allemand, se hâtent d'attaquer la Perse, la Germanie. L'an premier de la 69e Olympiade et l'année 1792 de notre ère virent les premières hostilités de ces guerres trop mémorables. Les Athéniens se précipitèrent sur l'Asie mineure où ils brûlèrent Sardes, les Français sur le Brabant où ils se signalèrent d'eux-mêmes par des incendies. Les uns et les autres, bientôt forcés à une fuite honteuse, se retirèrent, laissant après eux des flammes que des torrents de sang pouvaient seuls éteindre. Chapitre 63. Première campagne, an 3 de la 72e Olympiade, 1792. Portrait de Miltiade, portrait de Dumouriez, bataille de Marathon, bataille de Gémappe, accusation de Miltiade, de Dumouriez. Les Perses, ainsi que les Autrichiens, se déterminèrent à tirer de leurs ennemis une vengeance éclatante. Les premiers firent partir Datis à la tête de 100 000 hommes, ayant sous lui le prince athénien Hippias. Les seconds s'avancèrent sous le roi de Prusse, conduisant les frères de Louis XVI. L'armée asiatique, après s'être emparée de quelques îles voisines de l'Attique, descendit victorieusement à Marathon. Les troupes coalisées contre la France, s'étant saisies de plusieurs places frontières, se déployèrent dans les plaines de Champagne. La plus extrême confusion se répandit alors en Grèce, en France. Les uns, partisans de la royauté, se réjouissaient en secret de l'approche des légions étrangères, d'autres, dont les opinions varient avec les événements, commençaient à s'excuser de leur patriotisme passé. Enfin, les amants de la liberté, exaltés par le danger des circonstances, sentaient leur courage s'augmenter en proportion des malheurs de la patrie et je ne sais quoi de sublime qui tourmentait leurs âmes. Au nom de Miltiade, on frissonne d'un saint respect, non que l'éclat de ses victoires nous éblouisse, mais parce qu'il arracha son pays à la servitude. Les qualités guerrières de cet homme fameux furent l'activité et le jugement. Connaissant le caractère de ses compatriotes, il ne balança pas à les précipiter sur les Perses, à Marathon, certain que la réflexion était dangereuse à ses bouillants courages. Les traits du général athénien brillaient de ses vertus, dirais-je de ses vices, un front large, un nez un peu aquilin, une bouche ferme et compressée, une vigueur de génie répandue sur tout son visage, montrait le redoutable ennemi des tyrans, mais peut-être l'homme un peu enclin lui-même à la tyrannie. Le poignard d'un Brutus peut être aisément forgé dans le sceptre de fer d'un César, et les âmes énergiques comme les volcans jettent de grandes lumières et de grandes ténèbres. De petites formes, de petits traits, un air remuant et pertinent cache cependant dans M. Dumouriez des talents peu ordinaires. On lui a fait un crime de la versatilité de ses principes. Supposer que ce reproche fût vrai, aurait-il été plus coupable que le reste de son siècle? Nous autres Romains de cet âge de vertu, tous tant que nous sommes, nous tenons en réserve nos costumes politiques pour le moment de la pièce. Et, moyennant un demi-écu qu'on donne à la porte, chacun peut se procurer le plaisir de nous faire jouer avec la toge ou la livrer, tour à tour, un Cassius ou un valet. Rassurés par la noble confiance de Miltiade, les Athéniens volèrent au combat. Les Français, conduits par Dumouriez, cherchèrent l'arme combinée. Les Perses et les Prussiens, par la plus incroyable des inactions, semblaient paralysés dans leur camp. Bientôt, les derniers furent contraints de se replier en abandonnant leurs conquêtes, et les républicains marchèrent aussitôt en Flandre. Marathon et Gémappe ont appris au monde que l'homme qui défend ses foyers et l'enthousiaste qui se bat au nom de la liberté sont des ennemis formidables. Un calme de peu de durée succéda à ces premières tempêtes. Les Athéniens et les Français le remplirent de leur ingratitude. Miltiade et Dumouriez, ayant éprouvé quelques revers, furent accusés de royalisme et de s'être laissés corrompre par l'or de la Perse et de l'Autriche. Le premier expira dans les fers des blessures qu'il avait reçues à la défense de la patrie. Le second n'échappa à la mort que par la fuite. Chapitre 64. Xérès, François, Ligue générale contre la Grèce, contre la France. Révolte des provinces. Cependant, l'Empire d'Orient et celui d'Allemagne avaient changé de maître. Darius et Léopold n'étaient plus. À ces monarques, savants dans la connaissance des hommes et dans l'art de gouverner, succédèrent leurs fils, Xérès et François. Ces jeunes princes, placés au timon des deux grands États dans des circonstances orageuses, égaux en fortune, se montrèrent différents en génie. Le roi des Perses, élevé dans la mollesse, était aussi pusillanime que l'empereur germanique nourri dans les camps de Joseph et courageux. Il semble seulement avoir partagé en commun l'obstination de caractère. Ils eurent aussi le malheur d'être trompés par leurs ennemis qui s'introduisirent jusque dans leurs conseils. Résolu de poursuivre vigoureusement la guerre que son père lui avait laissée avec la couronne, Xérès assemble son conseil. Il y montre la nécessité de rétablir dans tout son lustre l'honneur de la Perse, terni au champ de Marathon. « J'irai, dit-il, je traverserai les mers, je raserai la ville coupable et j'emmènerai ses citoyens captifs dans les fers. » Les alliés ont aussi tenu à peu près le même langage. Après un tel discours, on ne songea plus qu'aux immenses préparatifs de l'expédition projetée. Des courriers, chargés des ordres de la cour de Suse, se rendent dans les provinces pour hâter la marche des troupes. En même temps, une ligue générale de tous les États de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe se forme contre le petit pays de la Grèce. Les Carthaginois, prenant à leur solde des Gaulois, des Italiens, des Ibériens, se déclarent et signent un traité d'alliance offensive avec le grand roi. La Phénicie et l'Égypte équipent leurs vaisseaux pour la coalition. La Macédoine y joint ses forces. De ces États proprement dits, la Médie et la Perse, Xérès tire des troupes aguerries. La Babylonie, l'Arabie, la Lydie, la Thrace et les diverses satrapies fournissent leur contingent à la Ligue et une armée de 3 millions de combattants s'assemble dans la plaine de Doricus. Au bruit de ces préparatifs formidables, des provinces de la Grèce, soit par lâcheté, soit par opinion, se rangent du parti des étrangers. Et l'on vit bientôt la Béotie, l'Argolide, la Thessalie et plusieurs îles de la mer Égée joindre leurs efforts à ceux des tyrans. François, de son côté, faisait des préparatifs immenses. Ses états de Hongrie, de Bohême, de Lombardie, etc. lui donnent d'excellents soldats. La Prusse le soutient de tout son pouvoir. Les cercles de l'Empire mettent sur pied leurs légions. L'Angleterre, la Hollande, l'Espagne, la Sicile, la Sardaigne, la Russie se combinent dans la Ligue générale. Et de nombreuses armées s'avancent sur toutes les frontières de la France. Aussitôt la Vendée, le Lyonnais, le Languedoc s'insurgent, et la République naissante, attaquée au dedans et au dehors, se voit menacée d'une ruine prochaine. Un très petit nombre de peuples restèrent tranquilles spectateurs de ces grandes scènes. Dans le monde ancien, on ne compta que ceux de la Crète, de l'Italie, de la Scythie. Le Danemark, la Suède et la Suisse, et quelques autres petites républiques demeurèrent neutres dans le monde moderne. Ni les Grecs, ni les Français n'eurent d'alliés au commencement de la guerre, leurs armes leur en firent par la suite. Afin que le lecteur puisse parcourir d'un coup d'œil ce tableau intéressant, je vais joindre ici une carte où l'on a rangé les alliés de la guerre médique et de la guerre républicaine sur 2 colonnes, les peuples qui se correspondent, opposés les uns aux autres, les provinces soulevées, les dates des batailles, des paix partielles, etc., etc. Chapitre 65. Campagne de la 4e année de la 74e Olympiade, 480 avant Jésus-Christ. Campagne de 1793, consternation à Athènes et à Paris. Bataille de Salamine, bataille de Maubeuge. Tout étant disposé pour l'invasion préméditée, Xérès lève son camp et s'avance vers l'Attique, suivi de ses innombrables cohortes. Cobourg, généralissime des forces combinées, marche de même sur la France. Dans les armées florissantes de la Perse et de l'Autriche, on voyait briller également une foule de princes. Les Alexandre, les Artémise, les rois de Cilicie, de Tyr, de Sidon, les York, les Orange, les Saxes, Bien différentes étaient les troupes opposées. Des citoyens obscurs, dont les noms mêmes avaient été jusqu'alors ignorés, commandaient d'autres citoyens pauvres et leurs égaux. Je ne ferai point le portrait de Thémistocle et d'Aristide, qui sauvèrent alors la Grèce. Si j'avais eu des hommes à leur opposer dans mon siècle, je n'eusse pas écrit cet essai. Tout céda à la première impulsion des forces combinées. Les Thermopyles, Thèbes, Platée, Thespie, tombèrent devant les Perses. Valenciennes, Condé, le Quesnoy, devant les Autrichiens. Pour les premiers, il ne restait plus qu'à marcher sur l'Attique. Pour les seconds, qu'à se jeter dans l'intérieur de la France. Le trouble, la consternation, le désespoir qui régnaient alors à Athènes et à Paris ne sauraient se peindre. Les frontières forcées, les étrangers prêts à pénétrer dans le cœur de l'État, des soulèvements dans plusieurs provinces, tout paraissait inévitablement perdu. Pour comble de maux, une division fatale d'opinion parmi les patriotes achevait d'éteindre jusqu'au moindre rayon d'espérance. La mort d'Hippias à Marathon, la prise de Valenciennes au nom de l'empereur, ne laissaient plus aux royalistes de la Grèce et de la France des moyens de douter des intentions des puissances coalisées. Tous les citoyens tombaient donc d'accord de la défense, mais personne ne s'entendait sur le mode. Les Lacédémoniens opinaient à se renfermer dans le Péloponnèse. Un parti des Athéniens voulait qu'on défendît la cité, un autre qu'on mît toutes ses forces dans la marine. L'ambition des particuliers venait à la traverse. Des hommes sans talent prétendaient à des places auxquelles les plus grands génies suffisaient à peine. Thémistocle écarta ses rivaux, détermina les citoyens à se porter sur leurs galères et la patrie fut sauvée. En France, les avis étaient encore plus partagés. Chaque tête enfantait un projet et s'efforçait de le faire adopter aux autres. Ceux-ci ne voyaient de salut que dans les places fortifiées. Ceux-là parlaient de se retirer dans l'intérieur. Un plus grand nombre voulait que la République se précipitât en masse sur les Alliés. Ce dernier plan parut le meilleur et son adoption ramena la victoire. Cependant, les diversités de sentiments, non moins fatales à leur cause, frappaient les armées conquérantes d'imbécillité et de faiblesse. Xérès, épouvanté du combat des Thermopyles, flottait incertain de la conduite qu'il devait tenir. Il apprenait qu'une partie de la Grèce était assise tranquillement aux Jeux olympiques, tandis qu'ils ravageaient leur contrée. Il ne savait qu'en croire. Dans son conseil, le roi de Sidon se déclarait en faveur d'une attaque immédiate sur les galères athéniennes. Artémise, au contraire, représentait qu'en tirant la guerre en longueur, les ennemis étaient infailliblement perdus. Parmi les Autrichiens et leurs alliés, plusieurs maintenaient qu'il fallait s'emparer des villes frontières. Le duc d'York se rangeait de l'avis de marcher sur la capitale. Le sentiment de la reine d'Halicarnasse, celui du prince anglais, furent rejetés et les opinions contraires adoptées. Ainsi, par cette destinée qui dispose des empires, des diverses mesures en délibération, les Grecs et les Français choisirent celles qui pouvaient seules les sauver, les Perses et les Autrichiens celles qui devaient nécessairement les perdre. Aussitôt Xérès se prépare à la célèbre action de Salamine. Cobourg divise ses forces, bloque Maubeuge, et envoie les Anglais attaquer Dunkerque. Il se passait alors sur la flotte réunie des Grecs de ces grandes choses qui peignent les siècles et qu'on ne retrouve qu'à des intervalles considérables dans l'histoire. La division s'était mise entre les généraux. Les Spartiates, toujours obstinés dans leurs projets, voulaient abandonner le détroit de Salamine et se retirer sur les côtes du Péloponnèse. À cette mesure, qui eût perdu la patrie, Thémistocle s'opposait de tous ses efforts. Le général, s'emportant, lève la canne sur l'Athénien, frappe, mais écoute, lui crie le grand homme, et sa magnanimité ramène Eurybiade à son opinion. C'était la veille de la bataille de Salamine. La nuit était obscure, les cœurs sur la petite flotte des Grecs, agités par tout ce qu'il y a de cher aux hommes, la liberté, l'amour, l'amitié, la patrie, palpitaient sous un poids d'inquiétude, de désir, de crainte, d'espérance. Aucun œil ne se ferma dans cette nuit critique, et chacun veillait en silence les feux des galères ennemies. Tout à coup, on entend le sillage d'un vaisseau qui se glisse dans le calme des ténèbres. Il aborde à Salamine. Un homme se présente à Thémistocle. « Savez-vous, lui dit-il, que vous êtes enveloppé et que les Perses font le tour de l'île pour vous fermer le passage ?» Je le sais, répond le général athénien. Cela s'exécute par mon avis. Aristide admira Thémistocle. Celui-ci avait reconnu le plus juste des Grecs. La veille de l'attaque du camp des Autrichiens par Jourdan devant Maubeuge fut un jour de crainte et d'anxiété. Jusque-là, les alliés victorieux n'avaient trouvé aucun obstacle, et les troupes françaises découragées ne rendaient presque plus de combats. Cependant, le salut de la France tenait à celui de la forteresse assiégée. Cette place tombée entraînait la prise de plusieurs autres, et les alliés, réunissant les forces qu'ils avaient eu l'imprudence de diviser, pénétraient sans opposition dans l'intérieur du pays. Il fallait donc saisir le moment et faire un dernier effort pour arracher la patrie des mains des étrangers ou s'ensevelir sous ses ruines. Jourdan, le général français chargé de cette importante expédition, est un froid militaire dont les talents, moins brillants que solides, n'ont été couronnés de succès que dans cette action importante et à Fleurus. Ayant tout disposé pour l'attaque, le soldat passa la nuit sous les armes, attendant, avec plus de crainte que d'espérance, le résultat de cette grande journée. Du côté des alliés, tout était joie et certitude. Xérès, assis sur un trône élevé pour contempler sa gloire, fait placer ses soldats dans les îles adjacentes, afin qu'aucun Grec sauvé de la ruine de ses vaisseaux ne puisse échapper à sa vengeance. On comptait tellement sur la victoire parmi les nations coalisées contre la France, qu'à chaque instant, on annonçait la prise de Dunkerque et de Maubeuge. Entre la côte orientale de l'île de Salamine et le rivage occidental de l'Attique, se forme un détroit en spirale d'environ 40 stades de long et 8 de large. L'extrémité du détroit se trouve presque fermée par le promontoire profond de l'île qui se jette à travers les flots dans la forme d'une lance. La première ligne des galères grecques s'étendait depuis cette pointe au port Phoron, qui lui correspond sur la côte du continent opposé. La seconde ligne, parallèle à la première, se plaçait immédiatement derrière et ainsi successivement des autres en remontant dans l'intérieur du détroit. La première ligne des galères persanes, faisant face à celle des Grecs, se formait en demi-lune, depuis la même pointe trophée jusqu'au port Phoron, et les autres se rangeaient derrière, en dehors du détroit. Non seulement par cette disposition, les Perses perdaient l'avantage du nombre, mais encore leur ordre de bataille se trouvait coupé par la petite île Psytalie, qui gît un peu au-dessous et en avant de l'embouchure du canal. À l'aile gauche de l'armée navale des Perses étaient placés les Phéniciens, ayant en tête les Athéniens. À l'aile droite, les Ioniens, qui devaient combattre les Lacédémoniens, les Mégariens, les Éginètes. Ariabignès avait le commandement général des galères médiques, Eurybiade, celui des vaisseaux des Grecs. Les Autrichiens, après avoir pris Valenciennes, s'avancèrent sur Maubeuge, dont ils formèrent aussitôt le blocus. Le prince de Cobourg, avec une armée d'observation, couvrait les troupes qui se préparaient à assiéger la forteresse. Xérès, ayant donné le signal de la bataille, les Athéniens attaquèrent avec impétuosité les Phéniciens qui leur étaient opposés. Le combat fut opiniâtre et soutenu longtemps avec une égale valeur. Mais enfin, l'amiral persan, Ariabignès, s'étant élancé sur une galère ennemie, y demeura percé de coups. Alors la confusion, augmentée par la multitude des vaisseaux que la position locale rendait inutile, devint générale chez les Mèdes. Tout fuit devant les Grecs victorieux. Et la flotte innombrable du grand roi, qui, un moment auparavant, obscurcissait la mer, disparut devant le génie d'un peuple libre. À Maubeuge, les Français recouvrèrent ce brillant courage qu'ils avaient perdu depuis Jemmapes. Ils se précipitèrent sur les lignes ennemies avec cette volubilité qui distingue leur première charge de celle de tous les autres peuples. Fossés, canons, baïonnettes, montagnes, fleuves, marais, rien ne les arrête. Ils se trouvent en mille lieues à la fois. Ils se multiplient comme les soldats de la terre. Ils grimpent, ils sautent, ils courent. Vous les avez vus dans la plaine et ils sont au-dessus du retranchement emporté. Les Autrichiens soutinrent le choc avec leur valeur accoutumée, ces braves soldats qu'aucun revers ne peut désespérer, qui seraient battus 20 ans de suite et qui se battraient la 20e année comme la première, repoussèrent partout leurs nombreux assaillants, mais le prince de Cobourg, jugeant une plus longue résistance inutile, abandonna sa position et Maubeuge fut délivré. Bientôt une colonne, commandée par Houchard, obligea les Anglais à lever le siège de Dunkerque, et les espérances de conquête s'évanouirent pour cette année. C'est ainsi que la flotte persane, composée de diverses nations, l'armée autrichienne, formée de même de différents peuples, s'est coalisée, les uns traîtres, les autres pusillanimes, ceux-ci craignant des succès qui reflèteraient trop de gloire sur tel ou tel général, telle ou telle nation. Toute cette masse indigeste d'alliés fut brisée à Salamine et à Maubeuge. Le grand roi repassa dans une petite barque, en fugitif, cette même mer à laquelle il avait donné des chaînes. Cobourg mit ses troupes en quartier d'hiver, et tous les partis, en attendant les événements futurs d'une nouvelle campagne, eurent le temps de méditer sur l'inconstance de la fortune et de déplorer leur folie. Chapitre 66. Préparation à une nouvelle campagne. Portrait des chefs Mardonius, Cobourg, Pausanias, Pichegru, Alexandre, roi de Macédoine. Il s'en fallait beaucoup que le danger fût passé pour la Grèce et pour la France. Xérès, en laissant après lui une armée de 300 000 hommes choisis, avait plus fait pour sa cause qu'en y traînant 3 millions d'esclaves. L'échec que les alliés avaient reçu devant les places assiégées n'était qu'un léger revers qui pouvait même tourner à leur profit en leur enseignant une leçon utile. Ainsi, on n'attendait que le retour de la nouvelle année pour recommencer de toutes parts les hostilités. Avant d'entrer dans le détail de cette campagne, nous dirons un mot des chefs qui s'y distinguèrent. Mardonius, qui commandait les troupes persanes demeurées en Grèce, était un satrape d'un rang élevé et allié au sang de ses maîtres. Son ambition, trop immense pour son génie, en faisait un de ces êtres disproportionnés qui paraissent grands parce qu'ils sont difformes. Vain, impatient, orgueilleux, il ne possédait que le courage brutal du grenadier qui donne la mort sans pitié et la reçoit sans crainte. Placé à la tête des troupes alliées d'Autriche, le prince de Cobourg, d'une naissance encore plus illustre que Mardonius, le surpassait de même en qualité personnelle. À la fois brave et prudent, il réunissait les talents et les vertus militaires, l'art du général et la loyauté du soldat. Pausanias, de la famille royale de Lacédémone, généralissime des armées combinées des Grecs, était un homme plein de jactance et de paroles magnifiques, toujours prêt à faire valoir ses grands services et à trahir son pays. Il sauva la patrie au champ de Platée et la vendit quelques mois après au tyran de Suse. Pichegru, dont le nom plébéien, l'humble fortune et la modestie contrastent avec l'éclat de sa renommée, conduisit les Français au combat. Cet homme extraordinaire, enfanté par la Révolution, sut s'élever de l'obscurité d'une classe inférieure à la place la plus brillante de son pays et redescendre avec non moins de grandeur à l'ombre de sa condition première. Enfin, dans l'armée des Perses, on remarquait un homme appelé Alexandre, roi de Macédoine, qui, traître aux deux parties qu'il savait ménager, trafiquait de son honneur et de sa conscience avec le plus riche ou le plus fort. Avant le combat des Thermopyles, il donna avis aux Grecs du danger de leur position à la vallée de Tempé et marcha avec Xérès à Salamine. Après la défaite du monarque de l'Orient, il se dit l'ami des Athéniens et les invita par humanité à se soumettre aux tyrans de l'Asie. Au champ de Platée, accompagnant Mardonius, il trahit ce général pour se ménager une ressource en cas de revers, et avertit en personne Pausanias qu'il serait attaqué le lendemain par les Mèdes. Les Grecs, malgré leur haine des rois, respectèrent Alexandre par mépris. Ils daignèrent peser sur les ressorts du mannequin vénal, tandis qu'il pouvait leur être bon à quelque chose. Je ne parlerai point du roi de Prusse. Chapitre 67. Campagne de l'an 479 avant notre ère, première année de la 75e Olympiade, campagne de 1794. Bataille de Platée, bataille de Fleurus, succès et vice des Grecs, des Français, différentes paix, paix générale. Tels étaient les généraux qui commandaient dans les campagnes mémorables dont nous retraçons l'histoire. Au retour de la saison favorable aux armes, les Perses et les Autrichiens reprirent le champ avec une nouvelle vigueur. Mardonius ravagea une seconde fois l'Attique. De son côté, le prince de Cobourg emporta l'Andrecy et obtint plusieurs avantages. Mais bientôt la fortune changea de face. Posonias, évitant de combattre dans la plaine, attira enfin les ennemis sur un terrain qui leur était défavorable. Pichegru, en envahissant la Flandre maritime, obligea les alliés à abandonner leur conquête. Après des marches et des actions multipliées, les grandes armées grecques et persanes, françaises et autrichiennes, se rencontrèrent au lieu marqué par la destinée. La cause ordinaire des guerres est si méprisable que le récit d'une bataille où 20 000 bêtes féroces se déchirent pour les passions d'un homme dégoûte et fatigue. Mais des citoyens, s'ébranlant au moment de la charge, contre une horde de conquérants. D'un côté, des fers ou un anéantissement politique par un démembrement. De l'autre, la liberté et la patrie. Si jamais quelque chose de grand a mérité d'attirer les yeux des hommes, c'est sans doute un pareil spectacle. On le retrouve à Platée et à Fleurus, mais en des degrés d'intérêt fort différents. Les Français, sans mœurs, ayant signalé leur révolution par les crimes les plus énormes, n'offrent pas le touchant tableau des Grecs innocents et pauvres, d'ailleurs infiniment plus exposés que les premiers. Athènes n'existait plus. Un camp sacré renfermait tout ce qui restait des fils, des pères, des dieux, de la patrie. Desséchée par le souffle stérile de la servitude, une terre indépendante ne promettait plus de subsistance en cas de revers. Mais les héros de Platée s'embarrassaient peu de l'avenir, prêts à faire un dernier sacrifice de sang à Jupiter libérateur, qu'avaient-ils besoin de s'enquérir s'ils auraient pu vivre demain esclaves lorsqu'ils étaient sûrs de mourir aujourd'hui libres? Au midi de la ville de Thèbes, en Béotie, s'étend une grande plaine, traversée dans son extrémité méridionale par l'Asopus, dont le cours se dirige d'Occident en Orient, déclinant à 1 degré nord. De l'autre côté du fleuve, la plaine continue et va se terminer au pied du mont Citéron, formant ainsi, entre la rivière et la montagne, une étroite lisière d'environ 12 stades dans sa plus grande largeur. Les Perses, occupant la rive gauche de l'Asopus avec 350 000 hommes, déployaient leurs nombreuses cavaleries dans la plaine, ayant des retranchements sur leur front. Thèbes et un pays libre sur leur derrière. Les troupes combinées des Lacédémoniens, des Athéniens et des autres alliés, consistant en 110 000 hommes d'infanterie, campait sur le penchant du Citéron. À peu près sur la même ligne, on apercevait à l'ouest les ruines de la petite ville de Platée. Et entre cette ville et le camp des Grecs se trouvait à moitié chemin la fontaine Gargaphi, de sorte que l'Asopus divisait les deux armées ennemies. Il s'y fit 2 mouvements avant l'action générale. Posanias, manquant d'eau dans son premier emplacement, fit défiler ses troupes par la lisière dont j'ai parlé et prit une nouvelle position aux environs de la fontaine Gargaphi. Les Perses exécutèrent une marche parallèle sur le bord opposé du fleuve. Le général lacédémonien, inquiété par l'ennemi, leva une seconde fois son camp dans le dessein de se saisir d'une île formée à l'occident par 2 branches de l'Asopus. Mais à peine avait-il atteint Platée que Mardonius, ayant traversé la rivière, vint fondre sur lui avec toute sa cavalerie. Il fallut se former à la hâte. Les lacédémoniens, composant l'aile droite, se trouvèrent opposés aux Perses et aux Sasses. Les Athéniens de l'aile gauche eurent en tête les Grecs alliés de Xérès. Le centre de l'armée, se trouvant rompu par des collines, n'avait pu se développer. Charleroi venait d'être emporté par les Français, mais on ignorait encore cette nouvelle dans le camp autrichien. Le prince de Cobourg, déterminé à secourir la place, ayant reçu la veille un renfort de 20 000 Prussiens, s'avança le 28 juin, 8 Messidor, à 3 heures du matin, sur la Sambre. Son armée se montait à 100 000 hommes. La droite se trouvait commandée par le prince d'Orange, la gauche, composée de Hollandais et d'émigrés, par Beaulieu. Le prince de Lambesque était à la tête de la cavalerie. L'armée française se formait de la réunion de l'armée de la Moselle, des Ardennes et du Nord. Jourdan avait le commandement en chef. Enfin, le 3 de Boédromion, 2e année de la 75e Olympiade, et le 12 Messidor de l'an 3 de la République se levèrent. Jour destiné par celui qui dispose des empires à renverser les projets de l'ambition et à étonner les hommes. Les combats muets des anciens, où de longs hurlements s'élevaient par intervalles du milieu du silence de la mort, étaient peut-être aussi formidables que nos batailles rugissantes des détonations de la foudre. Le paysan du Citeron et celui des rives de la Sambre purent en contempler les diverses horreurs et bénir en même temps le sort qui les fit naître sous le chaume. Platée et Fleurus brillèrent de toutes les vertus guerrières. Là, le Perse, exposé sous un frêle bouclier aux armes de l'Acédémonien, brise de ses mains, avec le courage le plus intrépide, la pique dont il est percé. Ici, le grenadier hongrois assomme avec la crosse de son mousquet les Français qui se multiplient autour de lui. Ailleurs, les Athéniens peuvent à peine surmonter leurs compatriotes qui combattent dans les rangs ennemis. Les émigrés opposent aux soldats de Robespierre une valeur indomptée. La fortune enfin se déclare. Mardonius tombe au premier rang. Ses troupes plient, sont enfoncées, poursuivies dans leur camp où on les égorge. Le prince de Cobourg, se reformant sous le feu de l'ennemi, se dispose à retourner à la charge lorsqu'il apprend que Charleroi a capitulé et il fait sonner la retraite. 200 000 Perses tombèrent à Platée, une multitude d'Autrichiens et de Français à Fleurus. Et les Grecs et les Français perdent leur vertu sur le même champ où ils obtiennent la victoire. Depuis ce moment, l'ambition des conquêtes et la soif de l'or remplacèrent l'enthousiasme de la liberté. Les Grecs, conduits par d'autres généraux non moins célèbres que les premiers, parcoururent les rivages de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe, brûlant, pillant, détruisant tout sur leur passage, levant des contributions forcées et faisant vivre leurs armées à discrétion chez les nations vaincues. Je n'ai pas besoin de rappeler au lecteur l'incendie de l'Italie, les réquisitions, les spoliations des temples, les ravages des Français dans le Brabant, en Allemagne, en Hollande, etc. J'ai dit ailleurs quelle fut la conséquence d'une telle conduite pour la Grèce. Le peuple d'Athènes, volage et cruel, qui s'était le plus distingué dans ses coupables excès, s'attira d'abord la guerre des Alliés et finit par succomber dans la guerre du Péloponnèse. Depuis la bataille de Platée jusqu'à la pacification générale, il s'écoula 30 années. Mais dans cet intervalle, les différents coalisés avaient traité partiellement avec le vainqueur. Les Carthaginois commencèrent, la Macédoine suivit, ensuite les îles voisines et différents États. Les uns se rachetèrent à force d'argent, d'autres furent contraints de se déclarer contre les Perses. Ceux-ci nous retracent la Prusse, l'Espagne, les petits princes d'Italie et d'Allemagne. Enfin, Artaxerès, fatigué d'une guerre inutile, s'abaissa à demander la paix en suppliant. Voici les conditions qu'on daigna lui dicter. Premièrement, que ses galères armées ne pourraient naviguer dans les mers de la Grèce. Deuxièmement, que ses troupes ne s'approcheraient jamais à plus de 3 jours de marche des côtes de l'Asie mineure. Troisièmement, qu'enfin, les villes ioniennes seraient déclarées indépendantes. Puisque les Perses avaient eu la folie d'entreprendre la guerre, ils devaient la soutenir noblement, n'eût-ce été que pour obtenir les conditions moins honteuses. Ce traité d'Artaxerès fut le coup mortel qui livra l'empire de Cyrus à Alexandre. Il en arriva au grand roi comme à plusieurs souverains de l'Europe actuelle. Il conclut, par lassitude, une paix ignominieuse au moment où il aurait pu en commander une en vainqueur. Les Grecs n'étaient déjà plus les Grecs de Platée. On ne parlait plus à Athènes que de la conquête de l'Égypte, de Carthage, de la Sicile. Agrandir la République, amener toutes les puissances enchaînées à ses pieds, était la seule idée qui demeura en possession des esprits. Ainsi, nous avons vu les Français ne savoir plus où fixer les limites de leur empire. Le Rhin, durant un moment, leur offrait une frontière trop resserrée. Lorsqu'Athènes se flatta de conquérir le monde, le jour qui devait la livrer à Lysander était venu. Ainsi passa ce fléau terrible, né de la révolution républicaine de la Grèce. Depuis la première invasion des Perses sous Darius, l'an 490 avant notre ère, jusqu'à l'époque du traité de paix sous Artaxerès, l'an 449, même chronologie. Il étendit ses ravages dans une période de 41 années. Jamais guerre, de même que la présente, ne commença avec de plus flatteuses espérances de succès et ne finit par de plus grands revers. Fin de la section 7.